suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, quand la France aménageait le futur, une série de Camille Jusard réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a ce récit sidérant de la reconstruction d'après-guerre peuplée de personnages de romans, tels Fernand Pouillon qui a redessiné le vieux port de Marseille en passant par la case prison. Alors pour commencer, les personnages. Ceux qui se souviennent, une historienne qui présente, un architecte qui raconte, un autre qui explique, une femme qui était pionne et un architecte admiratif. Ensuite, le décor. La mauvaise réputation, l'originalité, un port détruit, le besoin de se loger, la guerre, les ruines, le modernisme, le béton, l'urbanisme, la reconstitution, la pierre, la Méditerranée, la lumière du matin, des cités d'Alger, des économies, une faillite, un scandale et un lit mortuaire. Aujourd'hui, premier épisode, on entend une voix. Cet homme, c'est Fernand Pouillon. Vous vous rappelez, le CNL. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Je me souviens l'été où il est décédé, 86. On était dans une soirée d'architectes en plein air, quelque part. Une soirée d'architectes bobo. Et je dis, Fernand Pouillon est décédé. Je propose qu'on porte un verre, qu'on lève le verre à sa mémoire. La réaction de mes confrères, on était une douzaine, c'était une honte. C'était de dire quoi ? Ce barbouze, ce salaud, ce magouilleur, etc. C'était ça le point de vue de la profession sur Fernand Pouillon à cette époque-là. Alors c'était après la disparition de Fernand, peu de temps après, j'étais venue à Marseille voir des amis. J'avais pris, je ne sais plus, un hôtel sur la Canebière par hasard, celui qui était libre. Et j'étais arrivée tard le soir et j'arrive dans ma chambre et puis naturellement je regarde par la fenêtre et en fait je vois un immeuble. Et je dis, ah mais mince. Alors... Ah mais ça c'est Fernand, c'est l'immeuble de Fernand. Et en fait, déjà ça me ravissait parce que il y a vraiment une identité en réalité. Enfin, Fernand, il est comme un artiste, je veux dire, on reconnaît un tableau de Caravage, de Michel-Ange, et l'architecture de Fernand, on la reconnaît immédiatement. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'était un personnage absolument extraordinaire. Il était particulier comme personnage individuel, mais il était aussi très particulier comme architecte. En particulier parce qu'il croyait vraiment à son métier, il croyait à sa mission, construire bien, c'est-à-dire que tellement persuadé de sa mission et tellement persuadé qu'il fallait construire dans les années 45 et 50, il a essayé de trouver des moyens différents pour construire plus vite et surtout moins cher. Son idée, c'était que on pouvait, contrairement à beaucoup de ses confrères, on pouvait faire de la qualité sans prix trop élevé. Et il a vraiment essayé de concilier les deux, mais il ne voulait pas que la quantité, puisqu'il y avait beaucoup de besoins, se fasse au détriment de la qualité. Donc il a essayé de jongler avec les deux et ça ne lui a pas toujours réussi. Alors, je sais que sa personnalité entre en jeu dans beaucoup d'analyses. Moi, il y a plein d'architectes dont on pourrait dire ça, mais indéniablement, c'est un résistant. C'est un résistant à un esprit du temps, c'est un résistant à un impérialisme économique, politique qui se fait. Donc, effectivement, pour être un résistant, il faut avoir une personnalité singulière. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas trop s'appesantir sur ça, parce que ça donne un côté héroïque à son œuvre, qui, je pense, peut être ramené à quelque chose de simple, c'est-à-dire, c'est de construire. C'est de construire pour des hommes et des femmes et pour qu'ils soient bien. Je sais que ça peut paraître balourd comme présentation, mais de mettre l'utilisateur au centre de sa préoccupation, j'allais dire, c'est un peu singulier comme démarche. C'est un dandy, si vous voulez, hein, avec des manières un peu cavalières. Sa personnalité avait irrité, voilà. Il avait quand même, il a gardé de vrais amis, des gens très intéressants. Jean Prouvé, quelqu'un qui est resté toujours très ami avec lui. Il avait le don de se faire un peu détester, quoi, voilà. C'est une histoire de carrure, ou peut-être d'aisance. Avec ses gros blocs de pierre jaune, ses grandes arcades, sa trame tranquille et régulière, le vieux port de Marseille, de l'architecte Fernand Pouillon, affiche l'allure un peu crâne de ces bâtiments que l'on croirait avoir toujours été là. Alors que le soleil creuse les loges des façades, qui peut se douter qu'ici a commencé l'histoire d'un rendez-vous manqué. Fernand Pouillon, l'architecte à abattre. Camille Jusa, Franck Lilin. En 1945, la France est en principe victorieuse, en tout cas elle a été du côté des alliés, mais elle a, comme beaucoup d'autres pays européens et dans le monde, beaucoup souffert des destructions, en particulier des bombardements, et on peut considérer que Daniel Volman, au moins 20%, historienne. Peut-être plus, c'est très difficile de quantifier, mais au moins 20% du patrimoine immobilier a été détruit. Donc ce sont des ruines qui s'étendent dans des quartiers entiers, dans des villes entières, et il n'y a pas d'argent pour reconstruire. Et donc il y a à la fois un problème social, où mettre les gens qui ont perdu leur toit, et un problème économique, où trouver l'argent. Il faut trouver comment déminer, il faut trouver comment déblayer, et après il faut trouver comment reconstruire. Donc la situation est tout sauf rose. La dernière fois que j'avais vu Marseille, c'était il y a plus de 6 mois, au début de septembre 1944. Le journaliste Paul Perronnet, dans Paris vous parle, 17 mars 1945. Les derniers Allemands s'étaient rendus depuis quelques jours. La victoire de Marseille était définitivement consacrée et les régiments vainqueurs, sans plus attendre, faisaient un quart de tour et se mettaient à foncer plein nord. Ce pauvre port de Marseille. Je n'avais pu que le longer à distance assez respectueuse, car déjà la police militaire française et américaine en gardait l'accès, et les mines de tout type truffaient le béton des môles tout comme l'eau des bassins. Mais, sur toute l'immense étendue des quais, kilomètre après kilomètre, on ne voyait partout que gravats, cratères de mines, murs de béton défoncés d'où pendaient les carcasses de métal, hangars et silos effondrés, rails tordus, grues brisées, torturées et pathétiques. Et dans les passes, les cheminées et les coques des bateaux coulés, trouant la surface des eaux. Le vieux port lui-même, le vieux port rêveur, pacifique et bavard, n'avait pas échappé au sabotage. Quand Paris est libéré, la guerre continue, hein, puisque la guerre continue dans l'Est, le gouvernement provisoire s'installe à Paris et tout de suite, en octobre, donc c'est vraiment tout de suite, l'équipe du général de Gaulle sait que la reconstruction, ça va être quelque chose d'important. Donc, est créé le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. Ça démarre comme un millefeuille, il y a plusieurs choses qui se font en même temps, mais une des premières tâches, ça a été la vision de l'avenir, comment on allait reconstruire. Donc ça, c'est pas technique, c'est de la réflexion théorique. Et là, de mon point de vue, les gens du ministère ont été intelligents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas décidé de confier la vision des nouvelles villes à un courant de l'architecture, mais à tous les courants de l'architecture. 6 mois ont passé. je suis retourné à Marseille ces jours derniers. Eh bien, Marseille, aux 1000 blessures, Marseille, la demi-morte, a déjà repris les couleurs de la vie. Le premier étonnement, et non le moindre, c'est au vieux port qu'on le trouve. Partout, on remue, on s'affaire, on travaille. Les ruines sont toujours là, dans leur chaos bizarre, mais c'est comme si on se moquait de leur présence, comme si elles étaient déjà vaincues. Le port de Marseille a retrouvé une vie. Que s'est-il donc passé ? On ne va pas raconter l'histoire de la reconstruction, il faudrait des mois, tellement c'est complexe. Jean-Michel Battesti, architecte. Mais disons que entre 44 et 50, en gros, va se jouer plusieurs registres. Vous vous rendez compte que va se succéder quand même Roger Henri Expert, comme architecte en chef du Vieux-Port, après Lecomte et après Auguste Perret. Donc on a une succession. Donc on voit bien qu'il y a tout un jeu qui va se jouer, de réussite, d'échec, etc. C'est cette partie-là qui est détruite. Bon. C'est la partie qui descendait du panier vers le port où habitaient des classes défavorisées, des classes étrangères, beaucoup de migrants, de migrations diverses, grecques, italiennes. Donc 44, c'est démoli. Tout est par terre. Bon. Saint-Laurent est debout, bon, les Accoules, bien sûr, la mairie de Puget, bien sûr, est debout, Daviel, bon, il y a un tas de gravats. La première opération qui démarre, c'est la Tourette. Première opération qui démarre. Alors après, on raconte, on dit qu'on a mis Pouillon, on l'a mis là, à l'extrémité, parce qu'il emmerdait tout le monde et que c'était pour s'en débarrasser, mais bon. Oh non, je pense que déjà... Le comte qui a distribué les îlots a considéré que quand même c'était un îlot très en vue et qui ont mis certainement un architecte dont il pensait qu'il avait la capacité à, et la puissance pour habiter ce site quand même. Il tire ce groupe-là et il démarre, c'est lui qui tire le premier. Comment il tire le premier ? Une chose est sûre, c'est que là on est sur cette question de comment faire et comment être efficace. Et là effectivement, Pouillon va faire un travail de raffinement sur comment construire, comment organiser le chantier, comment normaliser un certain nombre d'éléments, comment trouver des trames, comment trouver une efficacité constructive avec les moyens de l'époque, mais en même temps avec une certaine rationalisation. Il va enfourcher, c'est un architecte moderne dans ce sens, il va enfourcher vraiment la grande question qui a été celle des architectes modernes. C'est la question du logement de masse, la question du logement pour le plus grand nombre. Jean-Lucien Bornillo, historien de l'architecture. Donc, dans le cadre de la reconstruction, il va se faire connaître à Marseille grâce à l'opération de l'ensemble de la Tourette, qui va effectivement le lancer en quelque sorte et lui donner du crédit auprès du cabinet du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme. C'est là où on voit apparaître, au fond, sa vision architecturale, plastique, sociale, y compris, et constructive, de qu'est-ce que c'est pour lui une opération de logement. Fernand Pouillon fait quelque chose, si vous voulez, en termes de réflexion, de proposition de plan de masse, quelque chose qui n'est ni l'îlot, ni les barres et tours des grands ensembles qu'on a connus, qu'on connaît, mais quelque chose qui est un peu intermédiaire et qui a des qualités urbaines. Quoi. Il le dit très clairement, il pense le vide avant de penser le plein. Hein. Et une des qualités, il y en a beaucoup d'autres, de ces opérations, c'est justement d'essayer de construire l'espace public. La différence entre lui et les autres, c'est, effectivement pour moi, ses qualités de constructeur. Sa capacité à inventer, sa capacité à utiliser les matériaux en dehors de toute idéologie. Bon. Et après, il était quand même employé chez Baudouin à Marseille, et donc il a un rapport à l'urbanité très très spécifique, chose qui n'a jamais été mise en valeur, mais globalement, pour moi qui suis un architecte moderne, c'est ce qu'on vous dira en tout cas, le mouvement moderne a failli sur deux points. Un, l'absence de permanence des bâtiments par l'utilisation du béton. Mauvaise utilisation du béton, c'est pas le béton qui est en question, mais l'utilisation qui en a été faite, et un échec urbain. Le mouvement moderne, il a une organisation de la ville, qu'on peut voir par exemple dans les ZUP qui ont été créées dans les quartiers nord, que Pouillon n'a n'a jamais adhéré à ce genre de choses. Et Pouillon est un très très très grand urbaniste. D'Algérie ou de Marseille, que vous voyez l'espèce de balade sous les arcades du Vieux-Port, c'est un dispositif urbain extraordinairement riche et qui permet une vie sociale très très très contemporaine, qui est à l'encontre des préceptes qui étaient portés par le mouvement moderne à cette époque-là. À la même époque, l'unité d'habitation du Corbusier se construit. Il faut quand même imaginer ça, quand même. Nous, on a une chance inouïe. On a deux voies parallèles, deux voies totalement différentes. Pourquoi deux voies différentes ? C'est que quand même Pouillon, le plus remarquable, c'est qu'il aime la ville, il aime l'urbain. Il sait ce que c'est des aménités urbaines, il sait ce que c'est de tenir le regard, de créer suffisamment de situations pour éveiller et permettre en permanence aux passants de trouver matière à regarder, pour créer des sensations, créer des resserrements, des ouvertures, des passages, des vues, des percées, des cheminements, des abris. Bon, bref, sans cesse, il sait ce que c'est l'urbain et il se passionne pour ça. Alors que, finalement, Corbu, lui, il va résoudre cette question à l'intérieur de l'unité d'habitation. C'est-à-dire, il va retourner la ville à l'intérieur. Donc, on a les deux positions vraiment opposées, les deux voies possibles, les deux voies intéressantes, qui ont été formidablement soutenues, les deux, par Claudius Petit. Hein. Donc, on a grand ministre de la Reconstruction. On est dans la Reconstruction. On pense qu'on va refaire des villes, construire des villes. Mais très rapidement, la question du règne de la quantité s'impose. Bon. Mais alors, ce qui est assez curieux, c'est que Pouillon, lui, la question de la quantité est importante. Il ne cherche pas à faire des villas pour milliardaires, ni quoi que ce soit, c'est pas cette question-là. Il cherche à œuvrer pour le plus grand nombre. Tout se joue dans cette articulation. Comment produire, d'une certaine échelle, d'une certaine taille, et préserver, je dirais, l'échelle de l'habitant, du pratiquant. Et je crois que c'est cette question qui l'habite, c'est-à-dire une efficacité constructive, une efficacité économique, une efficacité... Il a quand même l'idée qu'il faut créer des beaux espaces, il faut... Bon, c'est... D'ailleurs, qu'est-ce qui nous touche ici ? C'est qu'on a l'impression d'être dans un, je ne sais pas, entre classicisme, rationalisme, néo-rationalisme, un antique, des antiques... On ne sait pas, du roman, on ne sait pas. Sincèrement, on ne sait pas. Ça a 70 ans, certes. Bon, d'accord, ça a 70 ans. Et alors ? Bon, bien sûr, c'est un peu dégradé. Ça fait rien, ça résiste. Regardez, ça résiste bien. Il y a une certaine monumentalité, quand même, qui se dégage. Et en même temps, je ne sais pas, comment vous dire, une sorte de familiarité. Il n'y a rien... Rien n'est excessif, quoi. Bon, là, ce qui est excessif, c'est les voitures, finalement. Hein. La moindre des choses, c'est d'être contextuel, mais Pouillon est méditerranéen dans le sens où il y a une physicalité. Il n'y a pas une dématérialisation de l'architecture. Et Fernand Pouillon, lui, ne se sent pas coupable d'utiliser la matière. Il exploite la pierre, et il travaille la pierre, et il assemble la pierre, et il rajoute même des décors en céramique de ses copains artistes qu'il fait travailler à droite, à gauche, etc. Il fait le job. En ce sens où il est méditerranéen, il n'est pas... il n'est pas culpabilisé. Rudy Ricciotti, architecte. Ça, c'est quand même assez remarquable. C'est ça, être méditerranéen. Dans la physicalité de la matière, on ne peut la rejeter. Et c'est marrant parce qu'il faut voir au même moment ce qui se fait en Europe par des grands architectes. Regardez bien, c'est la dématérialisation architecturale adossée à un énorme process d'industrialisation des composants. C'est-à-dire que dans le travail de Fernand Pouillon, on assiste à une chaîne courte de production. L'acte de faire... Le geste fondateur de tailler la pierre, ou de coffrer et de couler du béton, ou de fabriquer et de gâcher du béton, est le plus proche possible du résultat. Au même moment, ceux qui sont aux antipodes de ça, qui sont nourris d'influences internationales, anglo-saxonnes, etc., travaillent avec des profilés métalliques, avec déjà de l'aluminium, à peine c'est l'épopée, hein, beaucoup d'acier dans des assemblages qui éloigne, c'est-à-dire qui éloigne. C'est, la physicalité de la matière n'est pas attendue. Et n'est pas entendue d'ailleurs. Pourquoi il choisit la pierre? Ah mais parce que je crois qu'il a le... Il a le souci du vieillissement de ces immeubles. Et donc, il y a la question du béton. Alors, pourquoi lui, il prend pas le béton, en fait, en quelque sorte? Pourquoi il prend pas le béton? Bon, d'abord, c'est plutôt moins cher à son époque, quand il le fait. Il a aussi le goût du compagnonnage avec... Il y a cette amitié complexe avec Marcerou, Paul Marcerou, qui est le carrier, tailleur de pierre Carrier. Bon, il y a une complicité, il y a une amitié, un compagnonnage. Bon, ça aide aussi. Alors, il y a l'idée aussi dans la pierre. Dans la pierre, curieusement, par rapport au béton coulé, il voit, lui, une manière de standardiser le bâtiment, d'avoir des éléments de pierre qui répétitifs, qu'on pose sur l'autre, d'ailleurs on le voit là, qui finalement permet une sorte de préfabrication dans la carrière. On taille les pierres dans la carrière et on vient les empiler. Parce qu'on ne peut pas traiter... Pouillon d'architecte traditionnaliste ou des conneries comme ça, ça tient pas debout, ça n'a pas de sens. Il est aussi moderne que les autres. Voyez par exemple, Corbu et Pouillon, ils sont sur la même quête. Quand vous allez à l'unité d'habitation, que vous regardez son béton avec petite planche, vous voyez la trace de la main de l'ouvrier qui a fait le béton, c'est la même chose qu'ici, c'est la même chose. Ils sont finalement sur cette question de quête d'archaïsme. Parce que là, on voit la taille de la pierre. La taille de la pierre, elle est là. On sent la pierre, on peut mettre la main dessus. On sent les lits de pierre, on sent... Bon. Finalement, ils sont sur la même question. Qu'est-ce qu'on peut donner comme peau vivante à un édifice? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accrocher la lumière? C'est la question de la lumière hein, qui se joue. Bon. Comment faire que le bâtiment, finalement, nous parle, en quelque sorte, nous édifie de sa propre édification, parce que c'est ça. En quoi doit nous parler un édifice? Il doit nous parler de comment il s'est construit, comment il s'est édifié, quelles ont été les intentions, pourquoi, dans quel objectif. On est quand même dans ce truc-là. Et effectivement, Pouillon est extrêmement attentif à ce que vont ressentir les gens qui vont pratiquer ces ensembles, ces quartiers, ces immeubles, ces logements. Il y a aussi le fait que il n'est pas dogmatique, il n'est pas idéologue. Il n'est pas du tout idéologue, il n'est pas du tout dogmatique. Or, le béton, c'était quand même considéré comme le matériau moderne. Bon, la modernité passait par là. Et on ne comprenait pas pourquoi se servir de la pierre. Donc, effectivement, il y a un pari autour de la pierre. Alors, un truc aussi, quand on construit en pierre, les chantiers sont délicieux, ils sont beaux comme tout. Quand vous construisez en béton, tant que vous n'avez pas fait l'enduit, c'est laid. Donc, construire en pierre, c'est gratifiant dès le démarrage. Ça, il faut le savoir, c'est formidable la pierre. La pierre, dès que vous mettez quatre pierres, tout le monde vient vous voir. Tout le monde est avec vous. C'est, on n'imagine pas, mais c'est une force inouïe la pierre. J'avais été nommée pionne alors au Jas de Bouffan à Aix et puis dans les quartiers nord ici à Marseille. Catherine Saillant, dernière compagne de Fernand Pouillon. Pour moi, c'était un choc effroyable parce que j'habitais dans le centre d'Aix. C'est que souvent, quand on passait, alors j'allais en bus, on venait en bus d'Aix à Marseille en fait. La vision de tous ces quartiers horribles, je me disais mais c'est pas possible, c'est monstrueux. Et je me souviens d'arriver au Vieux-Port. Je me souviens, à chaque fois, j'étais éblouie parce que je travaillais au lycée Perrier, en fait. J'étais pionne au lycée Perrier. Et cet éblouissement dans la lumière du matin, je sais pas si vous l'avez vu, dans la lumière naissante, c'est magnifique. Dans les toutes premières heures où j'ai rencontré Fernand, où il était venu à Aix, et on bavardait dans la voiture, il me dit, voilà, quels sont vos 10 édifices préférés? Et alors, je lui dis, il y a la cathédrale de Reims, parce que franchement, j'aimais beaucoup la cathédrale de Reims. Bon, Venise, non, mais c'est toute la ville que j'aime, voilà. Et puis, je ne citais que des bâtiments anciens. Il me dit, mais vraiment, Beaubourg, non, pas du tout. Et en fait, il avait dit une phrase, je comprends pourquoi vous aimez mon architecture. Et alors moi, je n'ai pas compris cette phrase, en fait, puis j'étais intimidée, je n'ai pas posé de questions. Et en fait, je l'ai compris au fur et à mesure de son enseignement et de voir son architecture. C'est l'art des proportions. Le port de Marseille, c'est Fernand Pouillon. Et la rive qui l'a dessinée jusqu'à la Tourette, c'est l'identité réellement de Marseille. Donc c'est vraiment l'architecte qui a fait que Marseille a une spécificité architecturale. Quand on est marseillais, on vit avec Fernand Pouillon. Et Pouillon est un très très très grand urbaniste. Que vous voyez l'espèce de balade sous les arcades du Vieux-Port, c'est un dispositif urbain extraordinairement riche, qui est à l'encontre des préceptes qui étaient portés par le mouvement moderne à cette époque-là. Alors, Pouillon, comment il est arrivé là-dedans? Le Vieux-Port, c'était un lieu important et symbolique de Marseille. Donc l'idée, c'était de le reconstruire bien. Comment? Il y a eu une lutte féroce parce que celui, parce qu'il n'y avait pas de femme. Donc l'architecte qui emporterait le concours de Marseille, il aurait de la renommée, il aurait de quoi faire. Là, Pouillon a fait comme il avait déjà commencé à faire et il continuera à faire après. C'est-à-dire qu'il a fait jouer ses relations. Il a été pas très fair-play avec les autres candidats. Il y avait déjà eu deux architectes qui avaient été nommés et ça n'allait pas parce que la question était est-ce qu'on fait du moderne, est-ce qu'on fait du classique, est-ce qu'on refait plus ou moins l'identique, enfin près de l'identique, ou est-ce qu'au contraire on rase le quartier pour faire du moderne, et personne n'était d'accord. Et Pouillon l'a remporté. En réalité, au moment où il intervient, c'est André Lecomte, qui est architecte en chef de l'opération de reconstruction, et le maire nouvellement élu, Carlini, n'apprécie qu'à moitié les façades, la grande ordonnance, l'alignement qui est sur le quai du port. Voilà. Et donc, Fernand Pouillon, il va adopter une posture assez offensive, en s'associant à Devin, qui est un architecte un peu plus âgé que lui et qui est déjà un notable un peu installé. Et Pouillon, il a l'oreille de Perret, Auguste Perret, qui est un de ses deux maîtres, un de ses deux grands maîtres. Et donc, il va réussir à obtenir ce morceau de choix, en quelque sorte, grâce à un concours qui est organisé à Paris, prendre la place dans ces conditions d'un Grand Prix de Rome. Il va très vite se faire mal voir par la profession, parce qu'il a effectivement il n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour obtenir un contrat, pour obtenir un projet. Voilà. Alors à partir du moment où il a fait le Vieux-Port, il a une notoriété certaine de savoir-faire. Son leitmotiv, c'est « je veux construire mieux, plus vite, moins cher ». Maintenant, c'est à Alger que vous habitez. Alger, vous y êtes arrivé pour la première fois il y a... En 53, le 8 mai 53. Fernand Pouillon, au micro de Pierre Dumayet, 7 novembre 1968. Vous vous souvenez de votre arrivée? Parfaitement, oui. Vous aviez reçu un télégramme du maire d'Alger, Jacques Chevalier. Oui. Qui vous demandait de venir, simplement. Il me demandait de venir, je ne savais pas exactement pourquoi c'était... À midi, j'étais chargé de faire 3000 logements, à 5 heures du soir, d'en faire 8000. C'est une aventure qui arrive rarement dans sa vie, quoi, d'être honoré d'une telle confiance, quoi. En fait, le maire d'Alger, Jacques Chevalier, l'appelle à Alger pour qu'il construise du HLM, avec l'idée... double. La première, c'est qu'il y avait une crise du logement à Alger comme ailleurs. Et la deuxième, c'est que ça assurerait peut-être la paix sociale et ça tempérerait les ardeurs des nationalistes. Il y avait les deux. Et ça a été la grande, grande aventure de Pouillon, la première grande aventure, c'est-à-dire qu'il a reçu commande de trois cités, deux sur les hauteurs d'Alger et une plutôt près de Bab el-Oued, plutôt dans les quartiers en bas. Alors, ces cités, elles étaient réservées pour partie aux Européens et pour partie à ceux qu'on appelait soit les musulmans, soit les Algériens. Et il y avait deux types d'appartements. Il y avait le confort normal, européen, avec salle de bain, terrasse. C'était pas très luxueux, mais quand on le voit maintenant, alors que c'est très très dégradé, on voit encore que c'était de qualité. Et puis ce qu'on appelait le confort simple, c'est-à-dire pour les musulmans ou pour les Algérois, où là il y avait des toilettes, mais il n'y avait pas de salle de bain, enfin bon. Et il s'est exercé à finalement comprendre de l'intérieur qu'est-ce qu'on pouvait faire, dans quelle enveloppe d'argent. Et ça, ça a été important. Et dans Climat de France, qui est la grande, grande cité, beaucoup plus grande, qui se trouve dans les bas d'Alger, alors là, il a fait une opération coup de poing, comme il avait l'habitude et comme il aimait le faire. Quand ça a été fini, c'était une très, très belle cité, on peut dire. Au moment où ça a été construit, c'était magnifique, c'était confortable. Ça n'a pas assuré ni la paix sociale, ni le désir d'indépendance des Algériens, mais il a construit ces trois cités. Et ça, ça lui a donné de la renommée. Si vous voyez Climat de France, je veux dire, c'est la place Saint-Marc, quoi. C'est considérable. Le monumental dans l'architecture contemporaine, il y a participé énormément. C'est un don pour l'urbain. Mais l'urbain, pas dans le discours théorique, presque dogmatique des modernes. C'est comment on marche, comment on rentre, qu'est-ce que c'est qu'un grand ensemble, avec des qualificatifs extrêmement subtils. L'accompagnement avec les artistes dans tous ces bâtiments, tout ça, c'est une préoccupation d'un art total, d'un art monumental, mais pour donner aux plus modestes les qualités du palais, on dirait, aujourd'hui. De donner aux plus modestes les qualités, un certain nombre de qualités, du logement de prestige. Pour commencer en 1954, la géante cité de Climat de France sera bientôt l'un des plus beaux fleurons d'Alger. Sur ses 30 hectares, elle pourra loger dans ses 4500 logements près de 40 000 habitants, soit la population d'une ville comme Angoulême ou Chartres. Construite d'un seul coup avec ses écoles, son stade, son marché à colonnes, qui a la taille du Palais Royal de Paris, elle permettra la résorption des bidonvilles et le décongestionnement de la Casbah. La réalisation de cette cité grandiose constitue certainement, et non seulement pour l'Algérie, le plus vaste effort engagé dans la bataille du logement. On a un dispositif de pièces urbaines qui permet de fabriquer un ensemble de vie qui met beaucoup de monde dans une identité architecturale très très forte. C'est-à-dire que je pense que vous savez que vous habitez quelque part quand vous habitez là, et il y a une singularité, une identité très forte qui fait que les gens sont fiers d'habiter là. Et tout le dispositif, la grande entrée, c'est en gros le vocabulaire classique du palais qui est mis en œuvre pour les plus pauvres. Les gens se sont réappropriés, ont violenté, ont bidouillé, ont trafiqué le truc, mais il y a une permanence de la vie de cet ensemble-là. C'est extrêmement vivant, Pouillon. L'art des proportions, c'est réellement central, parce que l'art des proportions, c'est ce qui a fabriqué l'architecture de l'Antiquité jusqu'à au moins la Renaissance. Il y a une chose Il faut se mettre en tête quand, jusqu'à la Renaissance, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de crayon. Et la transmission de l'architecture, la transmission de ce que veut le maître de l'ouvrage à l'architecte, c'est oral. Et si c'est oral, c'est forcément des nombres, c'est forcément géométrique et mathématique. Et de là, il y a un maniement simple des proportions. Et en réalité, autrefois, les mesures qui étaient voilà, coudées, la canne, etc., ça entraîne une composition modulaire. Mais de fait, les gens n'y pensent même pas. Et en réalité, quand on est en mètres, en centimètres, en millimètres, on a plus rapport à la modularité. Et du coup, tout cet art des proportions échappe, alors que Fernand, lui, se rebranche immédiatement dessus. L'art des proportions, c'est magique, parce que chacun s'invente son propre système. C'est là où vraiment Fernand montre que le métier d'architecte, c'est la jonction, c'est d'un métier de l'art et de science en même temps. Ce que la France attendait, c'était effectivement que les architectes règlent le problème de la quantité sans négliger la qualité. Jean-Lucien Bornillo, historien de l'architecture. Et c'est ce que peu d'architectes ont réussi à faire, c'était pas facile. Et donc Fernand Pouillon, lui, a réussi à régler ce problème de quantité tout en apportant la qualité. Voilà. Et donc, quand il arrive à Paris, enfin, moi, le grand constructeur, je vais faire du logement, je vais faire du beau, et je vais surtout écraser mes concurrents, parce que ça, c'est un des traits de sa personnalité, hein, être mieux que les autres. Voilà, son petit côté Rastignac, ça lui a coûté cher. Donc, il a voulu s'attaquer au marché immobilier, disons-le, de la région parisienne, puisque son objectif, c'était de construire des grandes opérations de logement à Paris, construire moins cher, toujours, avec ses mêmes objectifs, etc. Or, fin 50, début 60, l'architecture, le logement, la construction, c'est quelque chose qui est très, très rentable pour beaucoup d'acteurs hein, du milieu de la construction, les banques, etc., etc. Alors, il tombe sur un os. Parce que, d'abord, il voit un peu grand. Daniel Vonnemann. Ensuite, il énerve un peu ses concurrents, donc ils sont là à le guetter. Et surtout, il a une gestion qui ne correspond pas à une gestion saine. C'est-à-dire qu'il fait tout le temps de la cavalerie. Alors lui, il dit non, bien sûr, parce qu'on l'a accusé. Il dit mais non, pas du tout. Il a fait des choses assez extraordinaires. Le point du jour, si vous voulez, c'était un grand terrain avec des usines de métallurgie qui étaient déjà en place. Il a demandé à un de ses collaborateurs, qui était un chef de chantier, Jean Chenivès, il a demandé d'utiliser ces usines et les machines-outils qui étaient en place pour fabriquer les menuiseries métalliques de l'opération qu'il allait faire sur place. Alors je vous cite une anecdote pour vous montrer à quel point il faisait feu de tout bois pour réduire les coûts. Hein, c'est quand même un très grand objectif. Et pour réduire les coûts, il faisait aussi ce que les architectes avaient horreur de faire. Ils avaient délégué ça à des spécialistes dès le 19e siècle, qu'on appelait des maîtreurs. C'est gérer la qualité, la quantité surtout des matériaux qu'on mettait en œuvre. Voilà. Lui, il adorait faire du maîtré. Tous les architectes ont horreur de ça. Voilà quoi, faut calculer combien de briques, combien de pierres. Et lui, pour lui, c'était quelque chose de fondamental. Parce que c'était aussi, avec la réduction du temps, donc aller vite, ça faisait gagner. Avoir un bureau d'études techniques intégré, ça faisait gagner de l'argent. Rationaliser la construction et rationaliser le chantier, ça faisait réduire également les coûts. Voilà, ça, c'était quand même une obsession chez lui. Et le point du jour, c'est une commande qui pour lui était importante, parce que là, on est dans les beaux quartiers, dans la capitale, dans les beaux quartiers. Et je crois que c'est là qu'il le fait le plus systématiquement, il l'a fait ailleurs aussi, mais le plus systématiquement, c'est-à-dire qu'il vend sur plan. Et donc, c'est pour ça que c'est de la cavalerie. C'est avec l'argent de la vente sur plan qui paye les entreprises. Ça marche tant que ça marche, mais le jour où ça marche pas, c'est le château de cartes qui s'écroule. Ils contrôlent pas les dépenses. Ils contrôlent plus tout. Jusque-là, ils contrôlaient tout, si vous voulez. Et là, les choses lui échappent. Et donc, le chantier prend du retard. Le chantier du point du jour prend du retard. Comme les gens avaient acheté sur plan, ils commencent à s'inquiéter. La colère commence à monter. Peu à peu, il est cerné, pas seulement par les acheteurs, mais aussi par un certain nombre de responsables politiques, par les promoteurs, par les banques, qui voient d'un mauvais œil, au fond, ce qu'il est en train de faire. Parce que des scandales, il y en a eu beaucoup, si vous voulez, dans cette période, hein, au début des années 60. Entre guillemets, on va en profiter pour le liquider, en quelque sorte, hein, l'empêcher de faire ce qu'il envisageait de faire. Un château de cartes que ses confrères ne sont pas prêts à défendre, parce qu'il a tellement été présomptueux et cassant que, ben, tant pis pour lui. Il avait l'art de se créer des ennemis quand même, y compris dans le milieu des architectes. C'est-à-dire au moment où il construit à Paris, tout l'establishment de la profession est contre lui quand même. Enfin, le regarde d'un mauvais œil, comme un mauvais garçon, quoi, qui a des manières qui ne sont pas déontologiques. Au-delà du fait qu'il met les pieds dans le plat dans ce terrain, je dirais, juteux, si j'ose dire, qui était celui de la construction à l'époque, il y a ça, ces inimitiés qui se créent. Vous vous rappelez le CNL ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? C'est Fernand Pouillon, nous l'avons retrouvé à Alger, où il vit depuis 3 ans. C'est lui-même qui nous rappelle cette histoire ancienne en publiant ses mémoires sur l'affaire et sur sa vie. Le CNL, c'était vous, Fernand Pouillon, pour moitié. Hein ? Vous aviez 50%. Vous avez été arrêté, vous vous êtes évadé, vous vous êtes rendu à la justice, vous avez été condamné à 4 ans de prison. 4 ans, hein ? 3 ans en appel. Ce livre qui vient de paraître, c'est votre défense. Votre honnêteté, votre livre m'en a convaincu. Reste à savoir quels sont vos torts, selon vous. Fernand Pouillon, au micro de Pierre Dumayet, 7 novembre 1968. Mes torts, c'est d'avoir créé le CNL. C'est moi qui l'ai créé. Je l'ai créé 4 ans auparavant. Et je considère que j'ai eu des torts parce que j'ai échoué et que quelqu'un qui prend les responsabilités des hommes doit les mener à bout. Ce que je me reproche, c'est beaucoup plus grave que ça, c'est d'avoir obéi à un système qui est toujours le même, qui est celui de prendre en charge une opération sans avoir les moyens. Parce qu'il n'y a pas eu seulement dans cette affaire Une opération difficile. L'opération difficile, c'était une opération qui aurait très bien pu être résolue par banque. À cette époque-là, il n'en était pas question. À cette époque-là, nous étions seuls, les banques ne s'intéressaient pas encore à l'immobilier. La chute était inévitable, en fait. Qui pouvait aimer Fernand Pouillon ? Catherine Saillant, dernière compagne de Fernand Pouillon. C'est horrible, c'est-à-dire que tant qu'il en reste à Pantin et Montrouge à s'adresser, enfin des programmes pas trop, de quelques centaines de logements pas trop importants, pour une classe sociale qui est moyenne, il est toléré, il énerve tout le monde, je pense, mais Meudon la Forêt et Le Point du Jour, je pense que ça exaspère vraiment tout le monde. C'est trop de... Là, toute la clientèle, effectivement, elle est détournée parce qu'il y a tellement de logements que tout le monde va là-bas. Et il faudrait être fou pour ne pas y aller non plus. Et puis politiquement, le logement a toujours nourri les partis politiques. On a beau dire que oui, le CNL lui-même à payer la revue de Joël Le Tac, qui était du parti gaulliste à l'époque. Ben oui, sûrement, c'est sûrement incontestable, ça a été démontré. Mais dans quelle opération ça ne se faisait pas ? J'aimerais savoir dans quelle opération ça ne se faisait pas. C'est impossible que ce ne soit pas fait. C'était partout. Et c'est partout. Donc, à partir du moment où on est tellement moins cher, quel argent reste-t-il pour en distribuer et en veux-tu, en voilà ? Alors que les autres qui sont beaucoup plus chers, où est l'argent, je dirais ? Vous qui vendiez beaucoup plus cher, où a été l'argent ? Personne ne pose cette question. Il y avait 30 à 40% de plus que nécessaire qui se baladaient partout. Le scandale est inversé, en fait. À son honneur, il faut dire que cette opération sera finie ensuite par la Caisse des dépôts, en grande partie grâce à tous ses biens. Fernand Pouillon, aucun architecte n'a fait ça. Fernand Pouillon a donné et vendu tout ce qu'il avait, et il commençait à avoir certains patrimoines, pour que l'opération puisse se terminer. Il est reparti de zéro. Après la prison, si vous voulez, il a été interdit de... Il n'a plus eu le droit de construire en France, quoi. Il a été rayé des listes de l'ordre des architectes, il n'a plus eu le droit de construire, donc il est reparti en Algérie, c'est ce qu'on appelle sa deuxième période algérienne, hein. Mais j'ai peu parlé de la vie d'un évadé. C'est quelque chose d'horrible. Je ne souhaite... Quand je vois que quelqu'un s'évade d'une prison, je dis, mon Dieu, quelle pauvre vie va-t-il commencer ? C'est plus terrible que tout. Fernand Pouillon, Radioscopie, 3 décembre 1968. C'est une vie où on n'est plus rien, où on est pire qu'un mort, on n'a plus d'état civil, on n'existe plus, on est rayé, on peut vous tuer, on peut faire n'importe quoi de vous. Sans que personne craigne quoi que ce soit, on n'existe plus, on n'a plus rien. Ça, c'est inguérissable. Inguérissable. Moi, je suis tombée amoureuse de Fernand en lisant les mémoires. Dans les mémoires, Fernand dit tout de lui. Je comprenais parfaitement cette souffrance. D'abord, j'avais épousé ses vues, donc je trouvais insupportable d'aller en prison quand on fait du logement superbe, 30% moins cher. Donc, comment on met en prison un homme pareil ? On en discutait avec sa dernière fille, Eugénie, il y a une semaine, et elle disait le point du jour, on ne pouvait même pas prononcer le... Dès qu'il entendait le nom du point du jour, il était furieux. Et donc, on évitait de parler du point du jour. C'est une des plus belles réalisations de Fernand, peut-être la plus belle. Hein. Le point du jour, c'est complètement merveilleux. La première fois que j'y suis allée, j'ai cherché. Alors que c'est quand même plus de 2000 logements avec des tours d'une grande hauteur, et ben j'ai cherché. Et quand je suis passée rue du point du jour, on est au milieu de la résidence et on ne voit rien. Ça, c'est proprement sidérant. Vous voyez pas cet ensemble-là énorme. Déjà, ça, c'est un art de la manipulation des volumes et de l'insertion dans la ville que moi, je ne connais pas ailleurs, en fait. Ensuite, quand vous rentrez dans des jardins. Donc, vous êtes dans un grand ensemble. Et donc, on est dans un environnement qui reste parfaitement humain, parce qu'il y a un vrai décor, il y a des beaux matériaux, le verre c'est beau quand c'est bien propre et tout, ça reflète la lumière, c'est beau. Et ça, c'est aussi une connaissance profonde de notre champ de vision à nous, en fait. C'est très étonnant parce que la reconstruction à Marseille, ça commence par 3 opérations. Pendant un an et demi, l'État, il a essayé de montrer la voie à suivre. Et il a fait des expériences. Donc l'État lance 3 opérations à Marseille. L'unité d'habitation, le vieux port et un grand ensemble à Saint-Just. On a là les 3 modèles, si vous voulez, qui sont un peu concurrents, en quelque sorte, à ce moment-là. Hein. La ville radieuse, Le Corbusier, une relecture moderne de la ville traditionnelle, avec ses rues, ses îlots, mais repensés autrement, plus ouverts, plus aérés, etc. Et puis le grand ensemble, plus radical, hein, avec ses bars et ses tours, et un espace public qui n'essaye pas forcément d'être contenu. Et de manière étonnante, à Marseille, on a ces trois opérations en même temps, qui proposent l'alternative qui existait, au fond. Et ça montre bien qu'effectivement, Le Corbusier et Pouillon ont proposé quelque chose de différent du grand ensemble. Alors, est-il moderne? Est-il classique? Est-il anti-classique, au sens même de Brunelleschien? Rudy Ricciotti, architecte. Ça demeure un mystère. Je pense qu'il faut mettre les mains dans la marmite pour comprendre Pouillon. Comprendre ce que signifie chez lui la physicalité de la matière, le travail, le labeur, la souffrance, l'effort, la mémoire, des actes constructifs, etc. J'aimais bien ce travail que faisait Pouillon, qui était quand même un travail proche de ceux qui font. La question de la main, par exemple, la carrière, le maçon. L'artisan, le limousinant, le tailleur de pierre, le coffreur, le boiseur, le ferrailleur, ça me parlait. Il parlait d'un territoire, c'est-à-dire celui de la bétonnière, celui du travail. Et cette valeur aux vertus du travail m'a toujours ébloui. Voilà. Comment il honorait les travailleurs. Donc voilà le lien que j'ai avec Pouillon, c'est l'émotion devant la transpiration. Devant la transpiration du travail et la rage face à l'exil de la beauté. C'est le refus de l'exil de la beauté. J'ai dormi dans son lit de mort, vous savez, dans sa propriété qui est dans le sud-ouest. Ouais. J'étais allé voir sa femme, sa dernière épouse, et elle m'avait prêté la chambre. Une espèce de lit, pseudo-lit à Paldaquin. Et elle m'a dit, il est enterré là, au pied de cette demeure, dans un cimetière où il n'y a rien, il y a juste la terre, qui est un bombé dans l'herbe comme ça. Comme si le corps respirait encore, et j'ai dormi dans son lit de mort. Fernand Pouillon, l'architecte à abattre. Avec Rudy Ricciotti, Catherine Sayen, Daniel Volman, Jean-Michel Battesti, Jean-Luc Pérez et Jean-Lucien Bornillo. Merci à Gérard Tracandi et Jacqueline Guiramont. Archivina, Viviane Lefebvre. Prise de son, Arthur Gerbeau. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Perrine Kervran, Marivonne Abolivier, avec la collaboration de Mathias Mégy. Un documentaire de Camille Jusa, réalisé par Franck Lilin. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Marseille sur le Vieux-Port, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs, et pour nous parler, Twitter et même Instagram.